d'un éternel qui existe dans un univers parallèle à l'univers local. Donc, un atome dans notre monde, c'est la projection à partir d'un autre univers parallèle, dans un autre super-univers à côté du nôtre, d'un éternel dans ces univers-là, d'une énergie qui devient pour nous autres, fracassante, un bloc de construction. Les univers sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc, si je vous le montre un petit peu au tableau, les univers sont des cercles concentriques. Si on est dans cet univers-là, qui a un taux vibratoire, vous avez un éternel dans cet univers-là, qui est dans un autre monde par rapport au nôtre, qui est très, déjà très vaste, qui instantanément, à cause de sa capacité de manifester l'énergie, crée dans notre univers local des états de conscience minéralisés qu'on appelle l'atome. Donc, le phénomène de l'atome minéralisé, qu'on appelle la matière dans notre univers, c'est une condition universelle chez nous, mais ce n'est pas une condition universelle dans le cosmos universel. C'est ça qui explique l'invisibilité des autres mondes. Comprenez-vous ce que je dis? C'est simple. C'est très simple. C'est dur à aller chercher, mais c'est simple.